إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد. طيب, donc on commence le cours numéro 4 aujourd'hui dans la série des cours sur l'explication de la Aqida de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah avec l'explication du Sheikh al-Fawzan, Sheikh Salih al-Fawzan hafizahullah. Et donc on arrive à la partie de la Muqaddima de l'imam Ibn Abi Zayd où il dit وَيَسَّرَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيُسْرَ وَشَرَحَ صُدُورَهُمْ لِلذِّكْرَ فَآمَنُوا بِاللَّهِ بِأَلْسِنَتِهِمْ نَاطِقِينَ وَبِقُلُوبِهِمْ مُخْلِصِينَ وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. Donc qu'est-ce que ça veut dire ces propos de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani? Ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité aux croyants le bien. Al-yusra. Al-yusra, en principe, c'est la facilité. Mais c'est dans le sens de qu'est-ce qui est bon et de qu'est-ce qui est bien. Et il a ouvert leur poitrine au rappel. Et donc, ils ont cru en Allah avec leur langue. Et ils ont parlé, c'est-à-dire ils ont parlé et mentionné leur foi en Allah avec leur langue et avec leur cœur. Ils ont cru en Allah avec sincérité et ils ont agi selon ce que les messagers d'Allah ont amené ainsi que ce que contient les livres. Ils l'ont mis en application. Et ils ont appris ce que les prophètes leur ont enseigné et ils se sont arrêtés à la limite que Allah subhanahu wa ta'ala leur a déterminée et ils se sont satisfaits et ils ont trouvé suffisant ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a déclaré comme étant licite par rapport à yani, ou par opposition à ce qui est haram et ce que Allah leur a interdit. On va lire maintenant l'explication de Cheikh Salih Al-Fawzan de chacun de ces différents points. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit à propos du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a facilité pour nous le bien, il explique ce point là en disant wa اي نعم قال تعالى ونيسرك لليسرى C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous te facilitons le bien, nous te facilitons la facilité, c'est-à-dire le bien. Dans surat al-A'la, et il dit, dans surat al-Layl, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَالسَّبَبُ عِنْدَ الْعَبْدِ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَهَذَا هُوَ السَّبَبُ الَّذِي مِنْ عِنْدِ الْعَبْدِ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَهَذَا هُوَ التَّوْفِيقُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَهَذَا هُوَ السَّبَبُ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَهَذِهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ هذه هي العقوبة من الله عز وجل حيث لم يقبل الحق ولم يعمل الأسباب التي بها يهديه التي بها يهديه الله عز وجل وفي الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له. Donc qu'est-ce que le cheikh explique ici? C'est relié à qu'est-ce qu'on a expliqué hier par rapport au fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il guide celui à qui il a donné le succès d'être bien guidé vers le droit chemin, et il égare celui qui a abandonné sa guidance par sa justice. Et donc il dit ensuite donc qu'il facilite le bien aux croyants. Et donc le cheikh explique que c'est pour dire en réalité que celui qui fait du bien, eh bien, la récompense de ce bien, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala le guide encore plus. Plus il fait le bien, plus Allah le guide vers le bien. Tandis que celui qui fait le mal, plus il fait le mal, eh bien, plus Allah subhanahu wa ta'ala l'égare vers le mal. Donc en réalité, la personne, elle s'enfonce encore plus à chaque fois qu'elle augmente dans le mal. A'udhu billah. Donc le cheikh explique, il dit, nous facilitons pour toi la facilité, c'est-à-dire le bien. Et dans l'autre verset, dans surat al-Layl, il dit, en ce qui concerne celui qui a obéi et qui a fait preuve de piété, il a cru en Allah, il a obéi à Allah et il a fait preuve de piété, il a cru en qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon, nous allons lui faciliter le bien, la facilité. Donc le cheikh explique que on voit que dans, dans ces versets-là, il y a deux parties. Premièrement, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Celui qui a obéi et qui a fait preuve de piété et qui a cru en le bien, le cheikh dit ça, c'est l'action du serviteur. Et c'est le fait que le serviteur prend les causes nécessaires et les moyens nécessaires. Et la récompense de ça, c'est ce que Allah dit par la suite, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Donc lorsque tu as fait le bien, tu as obéi à Allah, tu as été pieux, tu as cru en qu'est-ce que Allah a dit, eh bien pour te récompenser, Allah subhanahu wa ta'ala te facilite le bien, te facilite le paradis, ou t'oriente vers cette voie. Et donc ça veut dire que c'est le tawfiq que Allah donne. Le fait qu'il lui facilite le bien, ça vient d'Allah et c'est le tawfiq d'Allah. Et dans l'autre exemple qu'il donne par la suite, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, c'est-à-dire celui qui a traité la vérité de mensonge, وَاسْتَغْنَى, il s'est senti comme s'il n'avait pas besoin d'Allah. استغنَى عن الله, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, il a traité la vérité de mensonge et le bien de mensonge. وَبَخِلَ, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, البخل en arabe, البخل c'est l'avarice, c'est le fait de ne pas vouloir partager, de ne pas vouloir donner à ceux qui ont besoin, tu veux tout garder pour toi. Donc وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, il a été avare et il s'est senti comme s'il se suffisait à lui-même, il n'a pas eu besoin d'Allah, donc il s'est détourné d'Allah et il a traité la vérité et le bien de mensonge. Donc ça c'est l'action du serviteur, et c'est les choses que le serviteur a fait lui-même. Eh bien, à cause de ces actions-là, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala le punit. Et il dit, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Nous allons lui faciliter la difficulté. C'est-à-dire, nous allons lui faciliter le mal, hein, et l'égarement. Et ça, c'est la punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour justement l'attitude que ce serviteur-là a eue envers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du fait que la personne n'a pas accepté la vérité et n'a pas fait les causes pour que Allah le guide. Parce que vous voyez dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie, il dit que yani yahdi man yasha wa yudillu man yasha wa yahdi man yasha. C'est-à-dire il guide qui il veut et il égare qui il veut. Sauf que la guidance elle a des causes et l'égarement a des causes. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas injuste envers ses serviteurs. Donc si quelqu'un veut la guidance et fait les causes nécessaires pour être guidé, il ne sera pas égaré. Mais s'il ne fait pas les causes nécessaires pour être guidé et ne fait pas l'effort pour faire le bien, dans ce cas-là, cette personne-là, elle ne sera pas guidée parce qu'elle ne veut pas réellement être guidée. Donc ce n'est pas que la personne, elle est sincère, elle cherche la vérité, elle fait des efforts, elle fait du bien, puis Allah l'égare. Non. Jamais. C'est pas possible parce que Allah il est juste. Hein? Donc, celui qui fait les causes pour être guidé, Allah le guide. Et celui qui fait les causes pour être égaré, Allah l'égare. C'est ça ce que ça signifie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans un hadith à ce sujet qui est rapporté par Al-Bukhari, il a dit I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. C'est-à-dire, faites les œuvres car, yani, chaque personne sera facilitée pour la chose pour laquelle il a été créé. Parce que les sahaba, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ce verset, les sahaba ont dit, par rapport à la prédestination, oui, mais si tout a été écrit, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire les œuvres, on peut juste rester assis et chacun va yani, aller là où Allah a prédestiné qu'il aille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, faites les œuvres et chacun, Allah va faciliter ce pourquoi il a été créé pour lui. Donc fais le bien, Allah t'a ordonné de faire le bien, fais le bien. Il t'a interdit de faire le mal, écarte-toi du mal. Et le résultat c'est que Allah va te guider, va te donner le bien et va te faciliter le bien. Et si tu t'écartes par contre, c'est le contraire. Donc il dit ensuite فَإِذَا أَرَادَ لِلْعَبْدِ هِدَايَةَ الْقَبُولِ وَالتَّوْفِيقِ اي يعني إذا شرح الله صدره للقبول لقبول الدعوة إلى الله عز وجل كما قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فيتقبل الحق ويرغب فيه فيوسع الله صدره للإسلام وهذه إرادة كونية ومن يرد أن يضله هذه إرادة كونية يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فيجعل صدره ضيقا حرجا فلا يقبل شيئا ولا يحب الخير وينفر وينفر من الخير وينفر من أهل الخير كأنما يصعد في السماء. Donc on va expliquer ça. Qu'est-ce que le cheikh explique ici? Il dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut pour un serviteur la guidance et l'acceptation de la vérité et du bien, eh bien il ouvre sa poitrine et son cœur à l'acceptation de l'appel à l'islam et à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans le verset 125, surat al-An'am, il dit, celui pour qui Allah veut la guidance, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Donc la personne par la suite, elle va accepter la vérité, parce que Allah lui a ouvert le cœur, lui a ouvert la poitrine. Donc la personne accepte la vérité et elle aime la vérité, elle fait des efforts vers la vérité, elle marche vers le bien. Allah ouvre sa poitrine à l'islam. Et ça, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa volonté dans sa création et dans sa prédestination. Et celui que Allah veut égarer, et ça également c'est sa volonté dans sa création et dans sa prédestination, eh bien il rend sa poitrine étroite, hein, et il ressent une gêne en lui-même par rapport, yani, à la vérité. Il refuse de l'accepter et donc il n'accepte rien et il n'aime pas le bien et il s'enfuit du bien et il s'enfuit des gens du bien, comme s'il était en train de s'élever dans les cieux. Hein? On dit que plus la personne monte dans les cieux, sa poitrine elle est étroite et il a du mal à respirer. Et bien la personne, quand yani, elle est comme ça, yani, walayadu billah, ça veut dire quand elle voit la vérité, ça la rend gênée et étroite et mal à l'aise. من ضيق الصدر والعياذ بالله فهم يتضايقون من الحق ومن الدعوة إلى الله ومن قراءة القرآن ومن الموعظة والتذكير لأن الله ضيق صدورهم وبسبب إعراضهم هذا عقوبة عقوبة لهم وحرمانا لهم من الهداية. Donc tu vois des gens comme ça, quand ils voient des musulmans qui pratiquent l'islam, des musulmans qui s'accrochent à la sunna, des femmes, ils voient des femmes musulmanes qui s'accrochent à la sunna, qui portent le hijab, qui se voilent complètement et correctement selon les règles de la charia, de l'islam, ça les rend mal à l'aise, ils se sentent pas bien, ils aiment pas les gens qui pratiquent l'islam et qui pratiquent la sunna, hein? Et ils aiment pas le fait de se rapprocher d'Allah et de faire des efforts dans la foi, hein? Quand ils voient ça, ils se sentent pas bien. Et ça, c'est un signe de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces personnes que, yani, il est en train de les égarer. Parce que la personne que Allah veut guider, elle aime le bien. Et quand elle voit les gens qui pratiquent l'islam et qui pratiquent la sunna, elle est contente, hein, et elle aime voir ça. Et quand la personne voit des femmes qui se voilent islamiquement et qui respectent les règles de l'islam, elle est heureuse et elle est contente de voir ça. Et ça la réjouit. Hein? Tandis que, yani, vous voyez les kuffars et les gens qui détestent l'islam, quand ils voient des femmes voilées, on dirait que ça les rend malades, hein? Ils ne savent plus quoi faire et ils font tout pour s'écarter des gens qui sont en train de pratiquer l'islam, et ils leur donnent toutes sortes de surnoms pour s'écarter d'eux et pour faire fuir les autres, des gens du bien. Et donc c'est ça la réalité. Et donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala rend la poitrine de quelqu'un étroite, c'est à cause de son propre agissement, à cause du fait qu'elle s'est détournée elle-même. Et c'est une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, quand Allah rend la poitrine de quelqu'un étroite et qu'il s'écarte de la vérité, eh bien Allah le punit justement en le privant de la guidance. وهذه نتيجة هداية التوفيق. Les croyants, comme le cheikh l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il mentionne leurs caractéristiques. Il dit qu'ils disent la vérité et ils parlent de la vérité. Et dans leur cœur, ils croient sincèrement en la vérité. Et ils suivent et appliquent ce que les messagers ont enseigné et ce que les livres enseignent. Hein? Et donc, le cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit, ça c'est le résultat de la guidance, hein, d'accepter le bien. Ils disent ce qu'ils ont accepté de la vérité, ils le prononcent à haute voix et ouvertement. Ils disent leur foi en Allah ouvertement, ils ne la cachent pas. Hein, ils disent, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, oui, je crois en ça, et je suis fier de ça, et je déclare cette foi. Ce n'est pas quelque chose qu'ils gardent secret ou qu'ils cachent dans leur cœur. C'est une croyance qu'ils ont dans le cœur, mais ils le disent aussi avec la langue. Et le cheikh, il dit, فَلَا يَكْفِي أَنْ نُطْقُ بِاللِّسَانِ. C'est sûr qu'il faut dire ça avec la langue, mais ce n'est pas suffisant de le dire seulement avec la langue. Il faut qu'on y croit avec le cœur, sincèrement. Hein? Parce qu'il y a des gens qu'on appelle les munafiqoun, les hypocrites. Ils disent avec la langue, je crois en Allah, et ils font la salat, et ils font le jeûne, ils pratiquent. Mais dans leur cœur, ils n'y croient pas. Hein? Ils font semblant. Donc, ces gens-là, leur foi n'est pas réelle. Ils font semblant d'être croyants. Donc, ça, c'est des munafiqoun. بل لا بد من مع النطق باللسان اعتقاد القلب اما النطق اللسان بدون اعتقاد القلب فهذه طريقه المنافقين. Donc juste de prononcer avec la langue sans la foi du cœur, ça c'est la voie des hypocrites. واما المؤمنون فهم يقبلون الحق بألسنتهم ناطقين بان يقولوا امنا بالله ويقبلونه وبقلوبهم مخلصين فلا بد من النطق باللسان بقبول الحق ولا بد من الإخلاص في القلب فلا يكون رياء ولا سمعة ولا مصانعة ولا نفاقا فتنطق بلسانك وتصدق بقلبك وتعمل بجوارحك وهذه حقيقة الإيمان خلافا للمرجئة في مذاهبهم الضالة. Donc le cheikh il explique que tu dis la foi avec ta langue, tu le prononces en disant hein, je crois en Allah, et avec ton cœur tu y crois avec sincérité, et donc il faut qu'il y ait tout ça réuni ensemble. La prononciation de la vérité avec la langue, et il faut être sincère dans notre cœur, c'est-à-dire que quand tu parles de la foi et quand tu dis que tu es croyant, tu ne le dis pas pour te faire voir par ostentation ou pour te faire entendre, pour que les gens disent « Oh, regarde, lui, il est fort, il est croyant, il est sincère. Regarde comment il parle bien de la religion. Regarde comment il parle bien de la foi. Regarde comment il explique bien. » Il faut que ce soit sincère. Il ne faut pas que ce soit quelque chose que tu fais comme, hein, comme un acteur. Les acteurs, ils font semblant. Tu voyais des fois même, Allah Musta'an, ils font même les koufars, ils font des films, ils mettent des acteurs des fois pour jouer le rôle des musulmans. Et tu les vois, ils font la salat, ils font le jeûne, même parfois ils vont mettre la barbe. Pourtant, ce n'est même pas des musulmans, ils font juste jouer le jeu de cette... Hein? Allah al-Musta'an. Même pour le film qu'ils ont fait sur la vie du prophète Mohammed, le film qui s'appelle Ar-Risala. Dans ce film-là, il y a des acteurs, ce n'est même pas des musulmans. Hein? Comme Anthony Quinn, tout le monde sait que ce n'est pas un musulman. Et il fait semblant d'être un musulman. Le film de Malcolm X, vous avez vu le film de Malcolm X, s'appelle La vie de Malcolm X. Eh bien, Malcolm X était un homme américain qui est devenu musulman. Eh bien, ils ont pris un acteur américain qui s'appelle Denzel Washington pour jouer le rôle. Et tu le vois dans ce film en train de réciter la Fatiha, hein, et porter l'ihram comme s'il va faire le Hajj. Pourtant, il ne croit pas en l'islam, il n'est pas musulman. Il fait juste semblant, d'accord? Donc le munafiq, c'est un petit peu comme ça, yani. Il prétend qu'il est musulman, il dit les choses de la foi, mais dans son cœur, il n'a aucune foi en l'islam, il ne croit pas du tout. Il fait ça juste pour suivre les autres, qu'est-ce que les autres font. Ou bien parce que s'il dit aux gens autour de lui dans la société musulmane qu'il ne croit pas en l'islam, il a peur que les gens vont lui dire « Ah, toi, tu n'es pas bon, va-t'en ». Tu ne peux pas marier une musulmane, tu ne peux pas vivre avec les musulmans, tu ne peux pas être enterré dans les cimetières musulmans, on ne va pas faire la janaza sur toi. Alors, pour se faire accepter des autres, il fait semblant qu'il est musulman, mais dans son cœur, il ne croit pas réellement à l'islam. Hein? Donc ça, c'est grave, a'ouzoubillah. Donc, il faut que pour être un vrai mu'min, il faut que tu prononces la foi avec ta langue, que tu crois avec ton cœur, et que tu fasses les actions avec ton corps. Et ça, c'est la réalité de la foi. Contrairement à une des sectes, parmi les sectes qui ont dévié de la vraie croyance islamique, qu'on appelle la secte des Murji'a. Et c'est une secte qui est apparue hein, au début des siècles de l'islam, parmi les sectes qui ont dévié, comme la secte des Khawarij. Les Khawarij ont dit, eux, si tu fais un péché, tu deviens mécréant. Tu bois de l'alcool, t'es plus musulman. Tu fais le zina, t'es plus musulman. Ça, c'est de l'extrémisme. Ça, c'est exagération. Parce que le fait de commettre un péché, ça ne te fait pas devenir mécréant. Ça ne te fait pas sortir de l'islam. Sauf que tu vas être un musulman qui est faible. Tu vas être un croyant qui a une foi faible. Tu vas être un mauvais musulman, un musulman pécheur. Mais tu ne vas pas être un kafir pour un péché. Les Murji'a, eux, c'est le contraire. Les Murji'a, eux, ils ont dit, peu importe quel péché tu fais, peu importe les négligences que tu as dans tes obligations, tu vas toujours être un bon mu'min. Et tu vois souvent des catégories de gens comme ça, ils boivent de l'alcool peut-être, ils ne font pas la salat, la femme, elle ne porte pas le voile. Puis quand tu lui dis, mais pourquoi tu ne fais pas la salat? Pourquoi tu bois de l'alcool? Pourquoi tu ne fais pas le hijab? Elle dit, la foi c'est dans le cœur. Moi, ma foi, c'est dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de faire des choses comme ça. Ça, c'est l'exemple de la croyance des Murji'a, la secte des Murji'a. Et ça, c'est une secte d'égarement, une voie de bid'ah. Et parmi ceux qui suivent cette compréhension-là, il y a beaucoup de gens qui sont des soufis, qui pensent comme ça, et qui suivent cette voie-là. De dire, moi, je n'ai pas besoin de faire la salade. Moi, je suis dans mon cœur croyant. Ça suffit. Chaque fois que tu lui dis de faire quelque chose que Allah ordonne, il dit non, j'ai pas besoin. La foi c'est dans le cœur. A'udhu billah. Donc ça c'est une autre parmi les voies de l'égarement. Après le cheikh il dit ensuite wa ta'allamu ma 'allamahum. يعني لا بد من تعلم الكتاب والسنة. Donc ça c'est un point très important. Il faut absolument étudier le Coran et la Sunna. Il y a des musulmans qui pensent que du fait qu'ils sont nés musulmans, ils connaissent l'islam naturellement. C'est comme s'ils s'imaginent, je n'ai pas besoin d'étudier l'islam, je suis déjà musulman. Je suis né dans une famille musulmane, dans un pays musulman, j'ai grandi dans l'islam. Même je me rappelle des fois, il y en a qui disent, quand ils me voyaient, ils me disent, par exemple, toi tu es un converti, tu n'es pas un vrai musulman, tu es un converti. Ça veut dire, avant tu n'étais pas musulman, maintenant tu es devenu musulman. Et le fait que je suis converti à l'islam, c'est-à-dire avant j'étais chrétien, maintenant je suis devenu musulman, et ça fait 25 ans que je suis musulman, eux ils vont dire, ah, mais toi t'es pas un vrai musulman. Moi je suis un vrai musulman, parce que je suis né musulman dans une famille musulmane. Mais ça c'est de l'ignorance. Parce que le fait d'être né dans une famille musulmane, mais si tu n'as pas étudié la religion, tu vas être un ignorant. Même si tu es né dans une famille musulmane, il faut étudier la religion musulmane. Il faut faire des efforts pour l'étudier et pour l'apprendre. Pour apprendre le Coran, pour étudier l'arabe, pour étudier le Coran, pour étudier la sunna, pour comprendre le tafsir, comprendre les sciences de l'islam, le fiqh, le hadith, et ainsi de suite. Donc le cheikh il dit, il faut apprendre le Coran et la sunna. وَفَهْمُهُمَا عَلَى مُرَادِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَمَّا مَنْ أَعْرَضَ عَنِ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يُحْرَمُ مِنَ الْهِدَايَةِ. Le cheikh il dit il faut l'étudier le Coran et la Sunna et le comprendre selon ce que Allah et son messager ont voulu dans le Coran et dans la Sunna. Tandis que celui qui se détourne de la science et de l'apprentissage, eh bien il sera privé de la guidance. Il sera privé de la guidance. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, tu vois, quand ils se sont détournés d'étudier la religion, par la suite ils deviennent des égarés. Parce qu'ils ne savent plus la différence entre le bien et le mal, le halal et le haram. Le pur et l'impur, le bien et le mal, ils sont confus après, par la suite. Et donc, le cheikh dit, il faut apprendre. Et parmi les causes de la guidance, il donne des exemples. Les anna min asbab al-hidayah, ta'allum al-ilm al-nafi' wal-amal bihi, wal-iqbalu alayhi, wa huwa al-ilm al-ladhi ja'a bihi Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il dit, parmi les causes de la guidance, si tu veux être guidé, tu veux prendre les causes nécessaires pour être guidé, eh bien, parmi ces causes-là, il y a le fait d'apprendre la science bénéfique et de le mettre en application. De mettre la science en application et de te tourner vers cette science et de te diriger vers elle. Et ça, c'est la science que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ramenée. Le Coran et la Sunna. وَأَمَّا الْمُعْرِدْ عَنْ تَعَلُّمِ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يُحْرَمُ الْهِدَايَةِ. Et celui qui se détourne de la science, eh bien, l'exemple de ça, c'est qu'il est privé de la guidance. Parfois, il y a des gens aussi, une des choses qui leur empêche d'apprendre, c'est l'arrogance. L'arrogance et l'orgueil. ils disent, moi je vais aller m'asseoir, apprendre l'islam. Hein? Mais non, ça veut dire que si je vais aller apprendre, ça veut dire que je n'ai pas de connaissances. Donc il préfère rester ignorant. Hein? Parce qu'il est trop fier pour apprendre. Et à cause de ça, il apprend jamais. A'ouzoubillah. Donc il faut faire des efforts et il faut mettre de côté notre orgueil, mettre de côté notre fierté. Et il ne faut pas dire, ah mais si je vais aller m'asseoir dans le dars, les gens vont dire que je n'ai pas de ilm. Hein? Et peut-être que les gens te regardent dans la famille, dans la ville, dans la société, les gens ils te voient et disent, ah lui c'est un homme, hein, il a du ilm, ou bien il est respectable. Donc la personne elle dit, ben, les gens déjà disent de moi que j'ai de la science, si je vais m'asseoir pour étudier l'islam, les gens vont dire, ah, il n'a pas beaucoup de science parce qu'il apprend. Non, a'ouzoubillah, même si tu as de la science, assis-toi pour apprendre encore plus, pour comprendre encore mieux, pour avoir encore plus de bien. Ça, c'est très important. Et même si c'est quelque chose qu'on t'enseigne, que tu connais déjà, ça fait un rappel pour toi. Hein? Et on a toujours besoin d'un rappel. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Fadhakkir, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin » Rappel, car le rappel est bénéfique pour le croyant. Donc, il ne faut pas dire « Ah, moi, je n'ai pas besoin d'apprendre, je sais. » Ou bien, hein, tu te détournes de la science. Non, tourne-toi vers la science. Déjà, juste le fait de s'asseoir dans la mosquée pour étudier la parole d'Allah et le livre d'Allah, il y a, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les anges qui descendent et qui nous couvrent on est couvert de la miséricorde et les anges de la miséricorde qui descendent, hein? Et yani, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne, hein? On est mentionné auprès d'Allah comme étant des gens qui sont assis pour faire son rappel et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de bienfaits là-dedans. Et il dit, قال الله تعالى والذين كفروا عما انذروا معرضون والإعراض عن الحق وعدم الإصغاء إليه وعدم قبوله هو الذي بسبب يسبب الضلال والانحراف. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tandis que les non-croyants se détournent de ce qu'ils ont été rappelés, c'est-à-dire que de se détourner de la vérité et de ne pas vouloir l'entendre et de ne pas l'accepter, c'est une des causes de l'égarement et de la déviation. Il dit également, واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم ووقفوا عندما حد لهم. Ils se sont arrêtés là où Allah leur a demandé de s'arrêter, hein, à la limite d'Allah. Et donc le cheikh il dit, parmi les caractéristiques des gens de la sunna et qui s'accrochent à la sunna et à la jama'a, c'est-à-dire qui sont unis et qui restent accrochés à la vérité, voici quelques-unes de leurs caractéristiques. Il dit, أولا أنهم يقفون عند حدود العلم فما علموه قالوا به وما لم يعلموه توقفوا عنه. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم, أي لا تتخرص ولا تقول على الله ما لا تعلم, بل قف عند حدك فما علمته من العلم النافع فتكلم به وافتي به وما لم تعلمه توقف عنه حتى تتعلمه وهذه طريقة أهل الإيمان. Donc le cheikh il mentionne un point très important parmi les caractéristiques des gens de la sunna, c'est qu'ils s'arrêtent aux limites de la science qu'ils possèdent. Ils s'arrêtent aux limites de la science qu'ils possèdent, c'est-à-dire ce qu'ils savent, ils le disent, et ce qu'ils ne savent pas, ils s'arrêtent. Ils s'abstiennent, ils ne vont pas plus loin, ils ne vont pas parler de ce qu'ils ne connaissent pas, hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans surat al-Isra, le verset 36, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, c'est-à-dire ne dis pas ce que tu ne connais pas, hein? Ne dis pas ce que tu ne sais pas. Et donc c'est simple la règle. Malheureusement il y a des gens qui refusent cette simplicité et qui insistent absolument à rentrer dans des choses qu'ils ignorent. Et à cause de ça, ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent les autres. Wal'iyadu billah. Donc, il ne faut pas, quand on parle de l'islam, en particulier quand on parle de l'islam, parce que si c'est de n'importe quel autre domaine, hein, c'est laid de parler sans science. Hein? Même par exemple, si c'est quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, un cordonnier, ou quelqu'un qui répare les chaussures, ou quelqu'un qui fait du pain, ou qui prépare la nourriture, ou quelqu'un qui est expert dans, yani, un tailleur, qui est expert à faire des vêtements, ou des choses de ce genre, ou un médecin, ou quelqu'un qui enseigne la science, la chimie ou la physique. Si tu parles dans ces domaines-là et que tu ne connais pas le domaine, hein, est-ce que ce n'est pas yani, ridicule de parler de ces choses-là alors que tu les ignores, que tu ne connais pas? Oui. Hein? Donc tu ne vas jamais oser, en présence des spécialistes dans un domaine, parler des choses alors que tu n'as pas de science. Alors que dire de la religion? C'est encore plus grave. Tu parles du Coran, tu ne connais pas le Coran. Tu parles de la Sunna, tu ne connais pas la Sunna. Tu parles du fiqh, tu ne connais pas le fiqh. Tu parles du tafsir, tu ne connais pas le tafsir. Tu parles du hadith, tu ne connais pas le hadith. Donc tu dis à propos d'Allah ce que tu ignores. Tu dis à propos du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce que tu ne sais pas. Et donc, ça c'est très dangereux, parce que tu risques d'inventer à propos d'Allah un grand mensonge. Et à cause de ce mensonge, tu risques de t'égarer et d'égarer des gens avec toi. Donc, quand tu ne sais pas quelque chose dans la religion, ne dis rien. Arrête-toi. Arrête-toi à cette limite de ce que tu sais. Si tu ne sais pas, tu dis « je ne sais pas ». Et il n'y a pas de mal à dire « je ne sais pas ». Et il n'y a pas de honte à dire « je ne sais pas ». Même si tu es un grand cheikh, même si tu es un grand imam, même si yani, tu es l'imam de la plus grande mosquée du pays et que tout le monde te regarde et tout le monde retourne vers toi pour prendre la science et que tu ne sais pas quelque chose, dis « je ne sais pas ». On dit dans l'histoire qu'un homme est venu de l'Andalousie jusqu'à la ville de Médine, Al-Madin al-Munawwara, pour rencontrer l'imam Malik, rahimahullah, pour lui poser des questions dans l'islam. Il lui a posé une quarantaine de questions et sur les 40 questions, l'imam Malik a répondu à 4 seulement. Et toutes les autres, il a dit « la adri, la adri, la adri, la adri ». C'est-à-dire, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? La personne qui posait les questions, elle a dit quoi? Elle a dit, mais qu'est-ce que les gens vont dire si je retourne dans mon pays et que je dis que l'imam Malik, il n'a pas répondu à toutes ces questions-là? Hein? Il a répondu, il a dit, dis-leur que l'imam Malik, il ne sait pas. Hein? Donc ça, c'est un rappel pour nous tous. Et si c'est ça le cas et l'exemple de l'imam Malik, alors imaginez notre cas, hein, rahimahullah. Donc on s'arrête là où, hein, qu'est-ce qu'on sait, on le dit, mais qu'est-ce qu'on ne sait pas, on s'arrête. Hein? Ce que tu sais, tu peux parler, si c'est bénéfique, tu le mentionnes et tu l'expliques, mais ce que tu ne sais pas, tu t'arrêtes et tu ne le mentionnes pas jusqu'à ce que tu l'aies appris. Ça c'est la voie des gens de la foi. وثانيا من صفاتهم أنهم يستغنون بالحلال عن الحرام وبالطيبات عن الخبائث في مطاعمهم وملابسهم ومشاربهم ومناكحهم فيقتصرون على ما أحل الله لهم ويجتنبون ما حرم الله عليهم قال تعالى في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ويحل لهم الطيبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Donc, le cheikh explique que parmi les caractéristiques des gens de la sunna, il y a également le fait qu'ils se limitent à ce qui est halal et ils se détournent de ce qui est haram. Et donc, c'est-à-dire que yani, les choses qui sont bonnes, ils les prennent et les choses qui sont mauvaises, ils s'en écartent. Les bonnes choses, parmi les choses qu'on mange, les vêtements, parmi les choses qu'on boit et qu'on et par rapport également à qu'est-ce qui a rapport avec les relations avec les femmes, du fait qu'on a des rapports avec les femmes uniquement dans le mariage, donc ça c'est halal, mais en dehors du mariage c'est haram. Donc dans toutes ces choses là on se limite à ce qui est halal, et ce qui est haram on s'en écarte. Ce que Allah a interdit, on s'en écarte parce que c'est mauvais pour nous. Et c'est comme ça que يعني الله سبحانه وتعالى a décrit le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant de lui qu'il rend halal les bonnes choses et qu'il leur interdit les choses qui sont sales et qui sont mauvaises, hein, al-khaba'is. Et ensuite il dit amma ba'd. Donc ça veut dire que là le cheikh il rentre dans un autre dans un autre sujet, et il rentre dans le vif du sujet si on veut. Donc il dit et ensuite amma ba'd a'anana Allah wa iyyaka 'ala ri'ayati wada'i'ihi wa hifzi ma awda'ana min shara'i'ihi فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. Donc il dit ensuite que Allah nous aide ainsi que toi-même à garder ses obligations et ses règles religieuses, et à préserver ce qu'il nous a donné de sa révélation et de sa législation. Et il dit, en s'adressant à celui qui était son professeur à l'époque pour répondre justement à sa demande, il dit, tu m'as demandé d'écrire un résumé de ce qui est obligatoire dans la religion, de ce que la langue doit prononcer, de ce que le cœur doit croire et de ce que le corps doit faire en application de cette vérité là et donc en réalité c'est pour dire que Ar-Risala de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, la raison pour laquelle il a écrit cette Risala, c'est parce que on lui a demandé de le faire, on lui a demandé de composer un résumé qui explique les règles de la croyance et les règles de la pratique de l'islam, et c'est pour ça qu'il l'a écrit. Et Ar-Risala, si vous regardez après l'introduction, qu'est-ce qu'on est en train de lire, qui est la croyance d'Ahlus Sunnah wal Jama'ah, et bien par la suite il explique toutes les règles de la religion, en commençant par la purification, la salat, la zakat, le jeûne, le hajj, et après les mu'amalat, le mariage, les règles du divorce, les règles de l'héritage et ainsi de suite, le commerce, et les peines et ainsi de suite. Donc c'est un livre de fiqh complet, mais il est résumé, d'accord. Et donc, c'est son cheikh, celui qui lui enseignait le Coran, il lui a demandé de faire ça, parce qu'il savait qu'il avait la capacité de le faire. Donc, le cheikh, il dit, « وَالدِّينُ وَدِيعَةٌ عِنْدَكْ وَأَمَانَةٌ عِنْدَكْ وَهُوَ الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِ وَالْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَدَائِعُ وَأَمَانَةٌ اِتَمَنَكَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَهِيَ الْأَمَانَةُ الَّتِي عَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان فعرضها عن هذه الأمانة أي أمانة التكاليف والأوامر والنواهي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال عرض تخيير لا عرض إلزام فآثرت السلامة على الغنيمة وأشفقن منها وخفنا من تحملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وآدم وذريته آثر الغنيمة على السلامة لجهل الإنسان أي جنس الإنسان وظلمه ولهذا قال في الآية التي بعدها ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات فبنوا الإنسان أمام هذه الأمانة على ثلاثة أقسام. Donc le cheikh explique que le cheikh il a employé un terme pour décrire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de respecter. Il a employé le terme wadi'a. Wadi'a a le même sens en arabe que le terme amana, c'est-à-dire que c'est un dépôt. C'est comme si cette religion, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a donné comme un dépôt, comme une responsabilité, comme quelque chose à prendre et à préserver et à garder. Et donc c'est comme si c'était un dépôt sur nos épaules. Et c'est-à-dire que cette religion est composée d'ordres et d'interdictions, et c'est composé de ce qui est halal et de ce qui est haram. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a donné comme un gage, comme un dépôt. pour qu'on s'en occupe, pour qu'on en prenne soin, pour qu'on le préserve. D'accord? Et c'est une amana, un dépôt, que Allah subhanahu wa ta'ala avait présenté aux cieux et à la terre et aux montagnes, mais elles ont toutes refusé de la porter, cette amana. Tandis que l'homme, lui, il a accepté de la porter. Hein? Et il a accepté de porter quoi? Les obligations et les ordres et les interdictions. Et les cieux et la terre et les montagnes s'en sont détournés parce qu'on leur a présenté, hein, ou proposé de les porter, et non pas imposé, mais proposé de les porter, mais ils ont préféré rester, hein, épargnés de cette lourde charge. Et elles ont eu peur de prendre cette charge, tandis que l'homme, lui, il l'a portée. Et il est certes injuste et ignorant. Donc l'homme, il est injuste et ignorant, et c'est pour ça qu'il a pris cette charge, parce qu'il voulait le profit. Et il considérait que le profit est plus important que d'être épargné, à cause de son ignorance. Mais, yani, le cheikh explique que dans le verset qui suit, dans sourate Al-Ahzab, verset 73, Allah subhanahu wa ta'ala dit pour qu'il, yani, comment Allah a divisé l'humanité par rapport à cette responsabilité et à ce dépôt en trois catégories. C'est-à-dire les munafiqin et les munafiqat, les mushrikin et les mushrikat, et les mu'minin et les mu'minat. C'est-à-dire trois catégories. Et le cheikh, il les résume, il explique, il dit من تحمل ظاهرا وباطنا يعني من تحملها ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون. C'est-à-dire la première catégorie des êtres humains par rapport à cette charge et ce dépôt, c'est ceux qui ont pris cette charge ouvertement et intérieurement. Et ça, c'est les croyants, les sincères. Ce sont les croyants et les croyantes. Deuxième catégorie, من أبى تحملها ورفضها ظاهرا وباطنا وهم المشركون. Ceux qui ont refusé de porter cette charge extérieurement et intérieurement. Et ceux-là sont les adorateurs d'idoles et les mécréants. Et la troisième catégorie par rapport à cette responsabilité, c'est ceux qui l'ont portée en apparence, mais qui l'ont renié intérieurement. Et ça, ce sont les hypocrites. Après, le cheikh, il dit يخاطب المؤلف معلمه الذي يعلمه القرآن. Donc le cheikh, il dit que l'auteur du livre, l'imam Ibn Abi Zayd, il s'adresse à son cheikh et à son professeur de Coran qui lui avait demandé d'écrire ce livre. Il explique pourquoi le livre a été écrit, hein, pourquoi cette risala, cette introduction a été écrite. Et il explique que ar-risala, qui contient, yani, le fiqh de l'imam Malik, c'est une, yani, un livre de fiqh, mais en même temps il a une introduction qui explique la bonne croyance, la aqida d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a et la aqida des Salaf al-Salih. C'est des, yani, Ahl al-Sunnah et Salaf al-Salih, yani, c'est des synonymes. Et le cheikh, il dit, et il mentionne la raison pourquoi il l'a écrit, c'est que son professeur a vu que c'était quelqu'un qui était intelligent et qui avait une connaissance profonde du madhab de l'imam Malik, et donc il lui a demandé d'écrire un résumé dans le fiqh de l'imam Malik pour que ses élèves puissent l'apprendre et l'étudier avec lui, et pour qu'ils puissent réunir non seulement la mémorisation du Coran, mais en même temps la mémorisation de la bonne aqidah et de, yani, du fiqh dans la religion. Et il dit que c'est ça la façon des gens, yani, des salaf al-salih, c'est comme ça qu'ils étudiaient l'islam et qu'ils étudiaient la religion. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, dans plusieurs écoles, des fois les gens se limitent uniquement à mémoriser le Coran, et pour eux apprendre l'islam, ça se limite à ça. C'est-à-dire tu vas à l'école et le cheikh, il récite le Coran et il t'apprend à mémoriser le Coran et c'est tout. Mais il t'enseigne pas la aqidah, il t'enseigne pas le fiqh, hein? Et donc ça, c'est pas la bonne méthode, puisqu'elle n'est pas complète, elle est incomplète, cette méthode. Les salaf al-salih, ils n'enseignaient pas seulement à leurs enfants, yani, la mémorisation du Coran et c'est tout. Non, ils enseignaient la mémorisation du Coran, et avec ça il y avait du fiqh, il y avait avant tout aussi la aqida de l'islam. Et donc, ça c'est très important. Et c'est pour ça que yani, il a insisté pour justement que l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani lui écrit ce livre qui s'appelle Al-Risala, pour que les enfants puissent justement apprendre la bonne aqida et apprennent en même temps les règles du fiqh avec la mémorisation du Coran. Et donc c'était ça la façon des pieux prédécesseurs, et c'est comme ça qu'ils enseignaient à leurs petits-enfants. Ils leur enseignaient la aqida, ils leur enseignaient le fiqh, ils leur enseignaient le Coran pour qu'ils puissent grandir sur ça. Parce que le cheikh explique que les enfants, ils mémorisent plus que les adultes. Quand quelqu'un est petit, yani, subhanallah, il mémorise quelque chose, il ne l'oublie jamais. Ça reste. Donc, il est important donc, de profiter de l'âge de l'enfance pour justement mémoriser à nos enfants la connaissance et la science de l'islam. Il dit, les personnes qui sont plus âgées ou qui sont plus grandes, elles oublient facilement. Elles oublient facilement parce qu'elles sont préoccupées par toutes sortes de choses dans la vie. Hein? La famille, hein? Le risque et toutes sortes d'autres choses. Tandis que les enfants, eux, ils n'ont aucune préoccupation. Leur seule préoccupation de la journée, c'est de jouer et de s'amuser. Hein? Donc, ils ont le temps libre et l'esprit libre de pouvoir apprendre des choses et mémoriser des choses. Et donc c'est ça qui est important. Et le cheikh il dit aussi, c'est pour ça qu'il y a une parole en arabe qu'on dit, qui dit al-ilm fi sirar kanqsh fi al-hajar. Hein? C'est-à-dire que lorsque tu apprends et que tu mémorises, lorsque tu es un enfant, hein, que tu es petit, c'est comme si on avait gravé cette connaissance-là sur une pierre. Hein? Et quand tu graves quelque chose sur une pierre, ça reste. Ça ne peut pas s'effacer. Eh bien, c'est la même chose quand tu fais mémoriser à un enfant quelque chose. Ça reste jusqu'à ce qu'il devienne vieux. Hein, il ne l'oubliera jamais. Et donc, c'est pour ça que c'est important de faire beaucoup d'efforts pour enseigner l'islam lorsque quelqu'un est enfant, lorsqu'il est petit, pour que cette science reste enracinée dans sa mémoire et dans son esprit. Et il va grandir par la suite avec cette science-là. Il va grandir par la suite avec cette science-là. Et c'est comme ça que les musulmans, la plus grande partie de leur temps, ils doivent donner de l'importance à enseigner aux enfants la bonne aqida et le fiqh. Hein? Il dit وبخلاف ما ينادي التربويون الغربيون اليوم من قولهم إن الصغار لا يذكر لهم شيء من أمور الدين لأنهم لا يتحملون ذلك. فهذه مكيدة لأجل أن ينشأ الأولاد على الجهل بدينهم وعقيدتهم. Le cheikh il mentionne un point ici qui est important. Il dit, contrairement à ce que les éducateurs occidentaux, parce que vous savez, quand vous allez étudier dans les universités en Occident, c'est-à-dire en Europe ou en Amérique, la faculté de l'éducation, puis il y a la science de l'éducation, ils vous apprennent les méthodes et les règles de l'enseignement et de l'éducation. Et vous savez que la plupart de ces facultés, eh bien, elles enseignent à leurs élèves des différentes théories. Et à chaque 10 ans, eh bien, ils changent de théorie. Donc, pendant un certain nombre d'années, ils vont mettre de l'avant une théorie. Puis, 10 années plus tard, ils vont ramener une autre étude, puis dire finalement, qu'est-ce qu'on enseignait il y a 10 ans? Eh bien, on a réalisé que ce n'était pas ça la bonne méthode. Maintenant, les études prouvent que la bonne méthode d'éducation et d'enseignement, c'est d'utiliser telle méthode. Donc, à chaque fois, ils changent. Et ils prétendent que c'est basé sur des études scientifiques et des recherches scientifiques, alors qu'à la fin, tu te dis, mais si c'était déjà scientifique au départ, pourquoi vous changez à chaque fois? Et pourquoi à chaque 10 ans, vous ramenez une nouvelle théorie? C'est parce qu'en réalité, souvent, c'est qu'ils prétendent que c'est basé sur la science, alors qu'en réalité, c'est basé sur les passions. Et ils utilisent ces études pour faire détourner les gens de qu'est-ce qui est bénéfique et de qu'est-ce qui est bien, réellement bien pour eux. Et l'exemple de ça, c'est que maintenant, aujourd'hui, par exemple, ils disent qu'il ne faut pas mentionner la religion aux enfants. Hein, parce que c'est trop lourd, ils ne peuvent pas le prendre, leur esprit n'est pas capable de l'accepter. Et ça, c'est une ruse qu'ils font pour faire en sorte que les enfants grandissent sans religion. Hein? Puis si les enfants grandissent sans religion, eh bien, par la suite, c'est facile de les égarer. Hein? Et donc, ça, c'est une des ruses qu'ils ramènent, et donc, il faut faire attention. Et c'est pour ça que maintenant, vous voyez que dans les pays occidentaux, ils poussent qu'est-ce qu'ils appellent la laïcité dans les écoles. C'est important pour eux que les écoles soient laïques. Pourquoi ils veulent que les écoles soient laïques? C'est parce qu'ils veulent que les enfants deviennent des athées. Et que plus tard, ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'on ne leur mentionne pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui il est, qui est leur créateur et pourquoi ils ont été créés. Et c'est pour ça donc, pour cette raison qu'ils insistent à ce que les écoles soient laïques et qu'on ne parle pas de religion dans les écoles. Et les kuffars, c'est-à-dire les non-croyants, eh bien, ils essaient de pousser cette laïcité-là, même dans les pays musulmans. Hein? Et donc, par exemple, ils prétendent que quand des musulmans vont s'installer chez les kuffars, et en passant, tous les savants de l'islam disent que ce n'est pas permis pour les musulmans de quitter les pays de l'islam pour aller vivre chez les non-croyants, parce que c'est un danger pour ta foi, et que c'est un danger pour l'éducation de tes enfants. Mais ils disent que si tu y vas pour une nécessité, ou pour un besoin quelconque, tout en préservant ta religion, tu y vas, puis quand tu termines, tu reviens dans ton pays, tu ne restes pas chez eux. Parce que si tu restes chez eux, tes enfants vont grandir dans la mécréance, ils vont devenir des gens qui s'égarent, excepté ceux à qui Allah a fait miséricorde de les protéger ou de les guider à l'islam. Mais sinon, la grande partie des gens qui vont vivre là-bas, tu les vois, mais Yanni, je suis sûr que certains d'entre vous, vous voyez par exemple certains de vos proches qui habitent en Europe ou en France ou ailleurs, quand ils reviennent, on dirait que ce sont des Français. Sauf si ils ont été guidés à l'islam là-bas et qu'ils ont réalisé l'importance de l'islam et de la sunna, et donc Allah les guide là-bas parfois aussi, et ils reviennent maintenant faire la hijra dans les pays musulmans, et il y en a de nombreux comme ça. Et c'est très important pour vous qui êtes ici, qui voyez par exemple ces jeunes musulmans qui viennent des pays occidentaux, qui viennent des pays de l'Europe et d'ailleurs qui ont redécouvert la réalité de leur religion et qui veulent justement revenir vivre dans les pays musulmans, c'est très important pour vous de bien les accueillir et de bien les recevoir pour qu'ils se sentent chez eux et pour qu'ils justement aient plus d'encouragement à justement vouloir rester dans les pays de l'islam et de ne pas venir ici puis après quelque temps ils se découragent et puis ils décident « Ah, c'est trop difficile de vivre dans les pays musulmans, je vais retourner chez les kuffars, a'ouzoubillah ». Donc c'est très important de bien les accueillir, comme les Ansar à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qui habitaient à Médine, ils accueillaient les musulmans qui venaient de la Mecque, hein, et ils venaient chercher refuge à Médine, et bien les gens de Médine les accueillaient bras ouverts et les considéraient comme leurs frères, hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Allah les décrit en disant, et il leur donnait précédence et préférence à eux-mêmes, alors qu'eux-mêmes étaient dans la difficulté. Ils avaient des manques, des manques sur le plan matériel, mais ils partageaient quand même, malgré tout, ce qu'ils avaient avec les muhajirines pour les aider. Et donc c'est comme ça qu'on devrait agir avec ceux qui viennent, hein, pour faire la hijra chez nous, dans les pays musulmans. Que Allah nous aide tous à justement faire cette hijra, inshallah. Et donc, il faut donc comprendre que il faut éduquer les enfants depuis leur tout jeune âge pour ne pas qu'ils grandissent dans l'ignorance de leur religion et de leur aqidah. Et il faut également tenir compte de ça. Ça, c'est très important. Et il dit وكان المسلمون في عهد قريب في المدارس الابتدائية يعني تقرر فيها المختصرات في الفنون ويحفظونها الطلاب الصغار وتشرح لهم إلى أن جاءت التربية الحديثة وتولى الترغيبيون التعليم فمسخوا مناهج التعليم وجعلوها اسما بلا مسمى مفرغة من مضمونها فعندهم اسم العقيدة واسم الحديث واسم الفقه وأسماء مجردة وليس فيها شيء وهذا من الغش في تعليم الأولاد المسلمين حتى ينشأوا جهلة بدينهم وعقيدتهم يعني الشيخ الفوزان c'est un des علماء de l'islam parmi les grands de notre époque et il n'a pas peur de dire la vérité. Cheikh Al-Fawzan fait partie des grands ulama et des ulama qui sont courageux et qui défendent la sunna et la aqidah de l'islam de toute leur force, de toute sa force. Et il dit justement ici, pour expliquer la situation, il dit que les musulmans, il y a une époque, il n'y a pas trop longtemps, quand ils envoyaient les enfants dans les écoles à l'époque, on leur enseignait dans chaque science un résumé. Et vous avez ça dans les... Maintenant, alhamdoulilah, ces résumés-là, on les vend dans des petits livres de poche. Tu peux les mettre dans ta poche comme ça, et puis tu les mémorises. Des petits livres comme Al-Usul al-Thalath, ou bien dans la grammaire Al-Jurumiyya. Dans chaque science, il y a un livre. Dans le fiqh, il y a des muqaddimat. Dans le hadith, dans la aqidah. Des petits livres résumés qui sont des bases. Et que les enfants mémorisent, que par la suite on leur explique et c'est là-dessus que leur connaissance et leur science est basée, puis ils grandissent là-dessus et au fur et à mesure qu'ils évoluent, plus les livres deviennent de plus en plus élaborés et détaillés. Donc c'est comme ça que les enfants apprenaient dans le passé et c'est comme ça que les musulmans ont réussi à produire des grands savants dans les sciences islamiques. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que par la suite il y en a des gens qui ont été influencés par l'Occident, par l'Europe, par l'Amérique. Mais influencés pas dans le bien, influencés dans le mal malheureusement, à vouloir les suivre dans qu'est-ce qui n'est pas positif, mais dans qu'est-ce qui est négatif. Parce qu'on ne dit pas que tout ce que les koufars de l'Occident font est nécessairement tout mauvais. Il y a des choses qu'ils ont inventées ou qu'ils ont ramenées, des choses de la dunya, qui sont très bénéfiques. Mais en ce qui concerne les questions de la religion et de la morale et de ces choses-là, ils sont complètement perdus. Et malheureusement, les musulmans, au lieu de les suivre dans le bien, ils les suivent dans, justement, le mal. Et, nasallallahu alayhi wa sallam, et donc, ils ont déformé complètement le système éducatif et ils l'ont complètement, dénaturé. Et ils ont fait de ce système éducatif quelque chose qui est juste un nom. Mais dans la réalité, les gens vont apprendre, mais ils vont apprendre, par exemple, dans des écoles, mais en réalité, à la fin, ils ne savent rien. Et même dans les écoles islamiques, maintenant, aujourd'hui, dans les universités islamiques, dans les écoles islamiques, parfois, les gens disent, « Ah, je vais étudier à telle université islamique, je vais apprendre la religion. » Puis en réalité, tu vois que la façon dont les sciences sont enseignées dans ces universités-là, ce n'est pas la méthode traditionnelle islamique, comment les savants apprenaient dans le passé. C'est des méthodes modernes. Donc on te donne un petit morceau de science, puis on te dit, mémorise ça, apprends ça pour l'examen. Après on te donne un examen, tu passes l'examen, après l'examen tu as tout oublié. Après tu passes à l'autre niveau, on te donne des matières, tu mémorises pour l'examen. Tu passes l'examen, après l'examen tu as tout oublié. Et après à la fin on te donne un papier puis on dit, voici maintenant tu as un diplôme, tu es docteur. Mais en réalité à la fin tu n'as aucune science. C'est une science très très mince cette science. Elle n'est pas fondée, elle n'est pas solide. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, à notre époque, on n'a pas des savants comme il y avait à l'époque. Même par exemple, vous voyez comme nos grands ulama de notre époque, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen, et ceux qui étaient là avant lui. Ces grands ulama, ils n'avaient pas de doctorat, ils n'avaient pas de diplôme. Mais les docteurs, ils venaient vers eux pour apprendre. Ils s'assoyaient devant ces grands savants comme des petits-enfants pour étudier la religion de l'islam. Pourquoi? Parce que c'est des grands ulama qui ont étudié la religion à la méthode traditionnelle islamique. Et à cette époque, quand ils apprenaient, ils apprenaient pas pour un diplôme. Ils apprenaient pas pour avoir un poste. Maintenant, tu vois des gens, ils ont un doctorat en sciences islamiques. Quand ils sortent de l'université, ils deviennent, muwazzaf. Ils deviennent un employé dans un bureau du gouvernement. Ils signent des documents. Puis on lui donne son salaire à la fin du mois. Et puis c'est fini. Mais la science et l'enseignement et la da'wa et le fait de mettre en application cette science, c'est complètement absent. Donc c'est pas ça le but de la science, c'est pas ça non plus que, c'est pas de cette façon-là que les ulama avaient enseigné l'islam dans le passé. Et donc je pense que, comme le cheikh il le dit lui-même, il faut revenir à la méthode traditionnelle. Revenir à la méthode traditionnelle de l'enseignement de l'islam et de l'apprentissage des sciences islamiques. Et il dit aussi que ça fait partie c'est une forme de tricherie d'enseigner aux enfants musulmans et à la fin ils restent totalement ignorants de la réalité de l'islam et de leur aqidah. Donc ça c'est malheureux et très triste. On va s'arrêter ici inshallah. Et on va continuer à la prochaine intervention, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.